dance. I want to problem with the drummer. I don't know how I could synchronize. Ah, merde. Thank you. Yes, me too. nice. André. Keyboard. King of the keyboard. His name is Willem. And my name is Benjamin. Nice. Okay, Lordy. Pourri qui marche pas. Attention à tes oreilles, enlève-le. T'entends ? Qu'est-ce que t'entends là ? C'est fort ? Tu m'entends ? Ok, play. C'est ma fille qui veut écouter. Ah bah, ils jouent plus les mecs. L'ordi, you could play hein ? Guitar riff. Mais attends, il y a ça. Tu m'entends ? Bon. Juste à sec. What you won't have in a second. searching man on the wall, not searching wake up, I'm sitting bored. I saw the beach again, they went to Monday. J'arrive pas à synchroniser. Ben oui. Si on entend ce que tu fais, chante. Ok, thank you. Ok, you can play l'ordi. Version plus moderne. côté. Ouais, c'est bon. L'ordi, retry. Attends. L'ordi, listen to me. I play. Chut. Attends, play. Ready, l'ordi? tu jouais. Hein. Clap your hands. Hey, clap your hands. C'est l'ordi qui a fait ça. When soon I'll be over my face. Les bons accords. Ah. Vas-y, rejoue les. Joue les. Arrête de tirer sur. Thank you. Your song is very nice. I like it. I like it. Your song is very nice. I like it. I like it. Very nice song. It's very nice song. Very. Les enfants font toujours des bêtises. Quand on les surveille pas, ils font des bêtises, ces petits enfants. Alors ils s'arrêtent maintenant. Ah, c'est bien, hein, l'ordi. C'est bien. U note. Another song, l'ordi. Je ne sais pas comment on fait. Je suis fatigué, j'ai pas envie de chercher. Je ne sais pas comment on fait. Je suis fatigué, je fais quoi? Il leur dit. Change.